Daniel, je sais pourquoi, chapitre 10. Visite sur une autre planète habitée. M'entourant de son halo fluidique, mon guide m'emportait avec lui dans l'étendue infinie de l'espace à la conquête d'une nouvelle aventure ou d'un nouveau sujet d'étude. Blotti à son côté, le regard levé vers lui, je l'observais avec amour. Il avait la tête pointée en avant comme une proue magnifique, souriant, heureux de la tâche qu'il accomplissait. J'étais bien, il ne pouvait rien m'arriver, protégé par mon véritable frère m'inspirant le plus profond respect. Son cœur orange, que je percevais battre à travers son corps presque transparent, propulsait dans tout son être des flux bleus qui s'évanouissaient dans ses extrémités incertaines. Il était si beau, je me laissais porter comme un enfant, dispos à son nouveau travail. Les étoiles autour de nous ne formaient plus que des milliers de traits lumineux de toutes les couleurs, un spectacle qui me ravissait. Rapidement, toute cette palette de couleurs finit par se terminer en un vaste champ noir où nous nous lançâmes. Sortis de celui-ci, nous débouchâmes sur une grande métropole d'où s'érigeaient de grandes tours rondes et très larges. J'évaluais, devant ces structures imposantes, qu'une maison traditionnelle avec son jardin aurait pu tenir sur son dessus. Ces tours n'avaient pas de toit, mais une surface plane, sans la moindre aspérité. Je ne percevais aucune couleur. Ce peuple ne semblait pas en posséder, du moins pour leur maison. En effet, celles-ci étaient toutes identiques et l'uniformité du contexte ne prédisposait pas à l'extase. J'étais même déçue de constater un monde sans fioritures ni exubérance. Tout était si symétrique et terne. Face à cela, je me souvenais des murs que j'avais pu voir sur Terre, du côté de la banlieue de mon père, où y étaient dessinées toutes sortes d'écritures et de graphismes colorés. Comme dans toute grande ville, le trafic était intense, mais sans jamais causer un seul trouble. Les véhicules ne s'arrêtaient jamais, à croire que l'on ne pouvait en descendre. Ils n'émettaient aucun bruit. Mon guide attentif me demanda: Qu'en penses-tu? Perçois-tu quelques différences d'avec la Terre, du moins en ce qui concerne cette agglomération? À première vue, je trouve ce monde morose, sans relief. Il est bien rangé, très propre. Aucune pollution, aucune fumée ne vient voiler son ciel. D'ailleurs, je ne vois aucun avion dans ce bleu azur. Il y a des nuages, des oiseaux, mais je ne perçois aucun arbre ni étendue d'eau. Oui, dit mon guide. Tout ceci existe ici, comme sur la terre. Suis-moi, nous allons voir de plus près. Nous descendîmes alors vers ce qui devait être une rue pour ensuite glisser sur la chaussée, puisqu'il n'y avait pas de place réservée pour les marcheurs. Ce qui me troubla le plus était la hauteur à laquelle toutes les fenêtres et même les éventuels accès aux maisons étaient situés. Aucune ouverture n'existait à moins de 2 mètres. Les rues ressemblaient ainsi à de larges couloirs matérialisés par les tours. Bien que je devinais que ces habitations devaient avoir des portes, je n'en trouvais aucune. Mon guide me dit soudain: Regarde cette femme, comment la trouves-tu? Habillée très près du corps, elle était élancée et élégante. C'était une très grande femme avec de petits pieds et de fines chaussures noires. Ses bras, se balançant au gré de sa marche, étaient terminés par de grandes mains effilées. Son visage était spécial, sa chevelure tirée en arrière. Sa bouche pincée ne formait qu'un trait sur son visage. Son nez était minuscule. Bien que très proche des terriens, ses gens étaient différents, plus élaborés. Mon guide m'expliquait. Vois-tu, l'aspect physique de ces gens témoigne d'un système général différent de celui de la Terre. Bien que nous soyons à un niveau d'évolution similaire, cette planète a su tirer profit de l'énergie magnétique et fluidique. C'est ainsi qu'il n'existe pas d'usine ni de déchets. Le monde du travail ne régit pas la vie et ses besoins, car l'énergie utile à tous est puisée sans intermédiaire ni échange. Les occupations de ce peuple sont donc généralement dirigées vers l'accessoire et les administrations. Le côté caritatif ne manque pas et la charité s'applique autrement, car la pauvreté matérielle est ici un non-sens. L'énergie de la vie ne coûte rien, mais tu le découvriras, il y a d'autres formes de malheur. Au-delà des apparences, ce monde ne manque pas de sensibilité, mais l'utilitaire n'est jamais agrémenté du soin artistique. Pour poursuivre notre visite, nous nous téléportâmes dans une habitation. Je fus sidérée. Une véritable jungle existait en plein milieu de celle-ci. L'habitacle, matérialisé par d'épaisses vitres teintées, était perdu au centre de cette végétation. À l'intérieur, nous trouvâmes des personnes assises sur un large divan. Parmi celles-ci était assis un vieillard peu commun. Malgré les rides qui plissaient son visage, cet homme avait quelque chose de particulier, m'obligeant à penser qu'il était encore jeune et dynamique. Ses gestes étaient encore très vifs, ne montrant aucun signe de faiblesse. Je m'approchai de lui, il ne me ressentit pas. Je le regardais, ses yeux étaient pétillants, aucune cataracte ou autre avarie que j'avais pu voir dans mon existence antérieure ne détériorait sa vue. Il avait encore toute sa chevelure. D'ailleurs, d'une manière générale, ce peuple avait une abondante chevelure, malgré cependant l'apparence totale de moustache ou de barbe. Au centre de mon interrogation, mon guide me dit « Vois-tu, Daniel, cet homme a presque un siècle d'existence et nous pourrions le comparer à une personne terrestre de 60 années. » « Oh oui, rajoutai-je, 60 ans et peut-être même moins. Voyez comme il est encore alerte. Je suis surpris de son âge. » Ce peuple a une espérance de vie d'au moins 150 ans, potentiel existant de même sur la Terre, puisque cette vie organique est basée sur le carbone. Sache que l'évolution biologique de cette planète, avec celle de la Terre et de milliers d'autres, fait partie d'un ensemble sympathique et chimiquement familier, car issu d'un bouillon de cultures identiques. Le lien qui détermine l'évolution de ces espèces sympathiques à travers les âges et qui oblige à des ressemblances constitutives est l'esprit. Puis, apprend que 20% de sa population est incarnée par d'anciens terriens. Plus tard, je te montrerai la maison de celui que les hommes appelaient Berlioz. Pour le moment, viens, nous allons visiter une morgue. » Brusquement, nous entrâmes dans une salle aux murs émaillés. J'y étais parvenue comme si l'on m'avait tiré énergiquement sur le côté. Nous regardâmes deux hommes effectuant de bien étranges manipulations sur des cadavres. Je ne comprenais pas le sens de cette action et mon guide intervint. « Vois-tu, Daniel, dans ce monde, il n'y a pas de cimetière ni de tombe, pas d'incinération. Ces hommes effectuent une accélération du processus de décomposition, ceci jusqu'à la totale désagrégation. Ce procédé créera une réaction chimique qui pourra être utilisée pour différentes choses. » La naissance équivalant à la mort, la gestation est également accélérée. L'être humain y est parfaitement formé à 5 mois. Sans remettre en cause toutes les étapes de la gestation, l'homme terrien découvrira dans le futur la relativité d'un mécanisme biologique soumis à des besoins spécifiques que l'on peut moduler. Tu auras compris qu'ici n'existe pas de malformation, car l'être n'est pas soumis aux carences. La nourriture animale n'y existe plus ici et est relayée par l'apport chimique essentiel à l'équilibre physique. Ainsi, la bouche, le système digestif sont en mutation. Grand nombre de déficiences sont dans ce monde régularisées par un transfert d'énergie magnétique. Viens maintenant, nous allons retourner à notre famille témoin. Revenu dans l'étrange maison, je commençais à comprendre le sens de tout cela. Ces tours immenses étaient plus que de simples appartements, mais de véritables mini-univers où chaque habitation possédait son coin de verdure. Rien ne paraissait à l'extérieur, tout se trouvait en dedans. Dans les épais murs qui entouraient ces paysages intérieurs se trouvaient d'énormes ouvertures donnant apparemment sur le ciel. Ce devaient très certainement être des aérateurs pour toute cette végétation. Mon guide me dit « Oui, Daniel, ce sont en quelque sorte des aérateurs, et plus exactement des ouvertures essentielles au cycle naturel de cette végétation, permettant en autre chose leur synthèse. Ces plantes reçoivent également l'eau des pluies, qui sont ici abondantes et matière de réserve. Mon guide me rassurait, expliquant que ce monde à l'allure si morose était également souvent balayé par les éléments. J'étais, il est vrai, songeur, et ne pouvais m'empêcher, devant cet étalage de connaissances et d'ingéniosité, de penser que nous étions dans un monde supérieur à la Terre. Mon guide intervint à nouveau. « Daniel, ce monde ne doit pas être jugé sur un aspect superficiel ou sur la définition matérielle que prennent les choses essentielles à la vie. Tu découvres ici une civilisation basée sur la science et son application mondiale. Mais il te faut découvrir les coulisses. » « Oui, répondis-je, je suis d'accord, mais même en m'y penchant bien, je n'ai pas encore vu l'ombre du mal. » Mon guide répondit « S'il n'y a pas le mal, tel que tu l'envisages, existe-t-il un bien, tout en relativisant les valeurs existentielles de cette planète qui sont toutes différentes de la Terre ? À quoi devrait mener toute cette technologie, selon toi ? Cette technologie est l'élément outil de l'homme. Tout y est facile. Cette même technologie sur Terre serait fatale à l'humanité, car le travail n'existant plus laisserait l'homme à une oisiveté irrémédiable. Tout est fait ici pour le repos physique et pour l'incitation aux plus profondes spiritualités. Les occupations, en majeure partie intellectuelles, sont tournées vers l'accouchement de diverses technologies en tout domaine qui ont déjà inspiré certains hommes de la Terre. Ce monde n'est cependant pas de tout repos. Un homme terrien ne pourrait y vivre. Il s'agit d'un véritable passage vers d'autres espaces, car tout, je te l'ai dit, prédispose à la pensée. Même le corps n'est plus un souci. Bien que présente, la spiritualité est ici perçue autrement que sur Terre, dégagée de toute superstition ou religion. L'astral de ce monde est pour ainsi dire vide, les esprits n'étant pas en errance autour de celui-ci. Chaque être reçoit des inspirations, mais il n'existe pas d'invocation, la peine des personnes aimées n'étant pas une réalité sentimentale. C'est pour cette raison que tu ne percevais aucune âme errante. La localisation physique de l'âme n'étant pas un besoin, l'individu recevant les pensées et n'en retenant que son principe. Malheureusement, ce peuple souffre d'une léthargie et d'un manque de nativité puisque traversant à ce sujet une véritable mutation. La nature est vue ici au dehors d'un fondamentalisme et reste un outil évolutif modulable répondant à de multiples actions. La manipulation génétique a transformé la nativité et renforcé la responsabilité de l'incarnation. De ce fait, l'attrait sexuel diminue, ainsi que les naissances. L'enfant n'est plus ici l'exutoire d'un couple, mais la responsabilité d'une civilisation. C'est pour cela que j'ai voulu te montrer ce monde, afin que tu comprennes que la naissance n'a pas dans sa forme un caractère universel, mais qu'elle diffère selon les mondes. « La Terre deviendra-t-elle un jour comme cela » demandai-je. « Non, pas exactement, car ce monde n'est pas un objectif, mais une autre façon d'exister que l'homme terrien doit considérer pour espérer sortir de l'absurdité du monopole. Car il s'agit d'une matière analogue, de conditions planétaires similaires, d'esprits identiques. Seule la conscience change et la raison des choses. » La vie terrestre évoluera néanmoins vers le même but que cette autre planète, et ce but est la suprême pureté, hors forme, hors temps. Mais ne t'y trompe pas, Daniel, cette humanité extraterrestre a connu une évolution biologique similaire à la Terre, une préhistoire à plus de 7 millions d'années. Seules les différentes étapes des cycles évolutifs sont particulières. Cette planète n'a pas connu d'ère glaciaire, ni de séparation de continents. Au contraire, la planète était chaude et s'est refroidie par l'éloignement de son soleil. Il n'existe que deux continents, éloignés par une mer chaude et agités par de grandes activités sismiques. Il n'existe ici qu'une race d'individus. L'évolution humaine a été sélective, tamisée par un principe spirituel unitaire. Comme tu as pu l'apercevoir, ces gens ont la peau très brune, presque bleu foncé. Cette pigmentation est due à plusieurs facteurs, dont l'évolution de la nourriture et la couleur du sang qui n'a pas le même plasma et une hémoglobine beaucoup plus rapide dans le transport de l'oxygène, celui-ci étant plus rare que sur Terre. La protection magnétique de la planète ne lui assure pas totalement le filtrage des émissions nocives de son soleil. L'atmosphère est, par période, traversée par de nombreuses comètes et des vestiges minéraux du système planétaire. Il n'existe pas de lune. Ce peuple n'a pas connu de guerre ni de conflit. La nature résistante de cette espèce n'a pas laissé de grande prolifération virale. L'histoire évolutive ressemble à peu près à celle de la Terre, tout au moins jusqu'au Moyen Âge, après quoi le niveau spirituel des esprits s'incarnant élimina le superficiel et les chemins détournés, privilégiant l'essentiel du choix et de son action. Le langage a été vite résolu, n'accusant qu'une seule forme souvent améliorée et réformée au fil des temps. Ce peuple est assez résigné, ne s'appesantissant pas sur un obstacle, ne se faisant aucun scrupule sur la mémoire ou les traditions. Un peuple qui aurait tenté vos conquistadors. Mais suis-moi, je veux te montrer un lieu de travail où ces gens passent les trois quarts de leur journée. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes dans une immense salle où étaient assis, bien rangés, des centaines de personnes, hommes, femmes, enfants. Il y avait des hôtesses passant entre les rangs, apportant le nécessaire aux travailleurs qui, sans lever la tête, écrivaient, dessinaient, tiraient des lignes et des cercles. Une étrange musique s'émancipait dans la salle ainsi que le parfum de l'abondante végétation. L'eau que ces individus buvaient n'existait que sous forme de vapeur, s'agitant derrière une immense façade de verre. Les hôtesses venaient la récupérer par une sorte de robinet. Mon guide me dit: ici s'étudient toutes sortes de révolutions techniques et sociologiques. Grand nombre d'inventions humaines ont été inspirées par ces études. Je devais te montrer Berlioz, le voici donc au travail, étudiant différents moyens de propulsion, ce qui n'a rien à voir avec la musique. Arrêté devant un individu penché sur un morceau de papier, je répondis: oui, en effet, et son physique a également changé. C'est stupéfiant, mais où vont les esprits qui se sont désincarnés? Tout dépend de leur objectif. Certains partent vers d'autres horizons, sur des mondes inférieurs où ils exerceront leurs connaissances. Un certain nombre s'incarne dans l'ensemble des mondes sympathiques, dont la Terre fait partie. L'esprit quitte ici une enveloppe pour une autre, sans jamais oublier une seule parcelle de ses acquis. Comprends-tu, Daniel? Oui, je pense, car vous m'avez appris à ne pas considérer les formes, si ce n'est dans leurs messages, leurs manifestations qui ne peuvent être que passagères. Vous me parliez de réincarnation. J'aimerais savoir, sans paraître intéressé par cette idée qui n'a pas vraiment évolué en moi, si je pourrais m'incarner sur cette planète qui, je vous l'avoue, ne m'inspire pas. Non, Daniel, répondit mon guide, tu ne prendras pas corps sur cette planète, mais ta réincarnation est toutefois inéluctable, et ceci sur Terre. Tu découvriras prochainement un nouveau besoin qui te rapprochera d'une femme. Je ne peux te révéler l'avenir sur ce fait, compte tenu, et tu l'auras compris, du fait que les valeurs dimensionnelles et temporelles ne représentent rien dans la réelle application de cette épreuve. Seul ton esprit construira une forme matérielle autour de ce foyer. Nous ne pouvons les déterminer à ta place. Les visions sont l'effet de nos compréhensions, mais tu es toutefois en mesure d'appréhender l'essence de ce prochain rendez-vous. Je restai là, sur l'expectative, abusée, seule avec mes interrogations. Il est vrai que cette idée de réincarnation m'interpellait d'autant plus que, dans cette période, j'étudiais l'incarnation sur Terre avec Philippe et Suzanne. Soudain, je demandai à mon guide: au fait, où en est notre futur bébé? Mon guide sourit à ma question. Tu sembles t'intéresser à cette nouvelle vie terrienne qui est le rachat d'un de tes lugubres amis. Ami, rétorquai-je, peut-être jadis, mais maintenant, je ne peux m'accommoder d'un tel esprit. Pour répondre à ta question, sache que cette entité évolue sur Terre. D'ailleurs, elle apprend à marcher. À marcher, dites-vous? Mais comme le temps passe vite! Je me souviens l'avoir laissée tout juste en phase de fécondation et vous m'annoncer après quelques instants d'absence qu'elle serait en mesure de marcher? Oui, Daniel, le temps joue encore ici les troubles faits. Je profite de cette occasion pour te poser quelques questions. Quelle densité ont tes souvenirs? Comment les appréhendes-tu lorsque tu les appliques au fait de l'existence? Que voulez-vous dire? Vous me demandez d'évaluer mes souvenirs selon la relativité d'un temps qui devrait les éloigner les uns des autres? Oui, tu sembles étonné de l'évolution d'une incarnation, car tes souvenirs et le réflexe de la logique temporelle te la montrent au début de sa conception. Seul ton manque de voyance t'a arrêté à cette vision. Ta raison d'homme t'oblige à croire au temps. Il faut que tu soulèves ce joug. Le souvenir du passé reste un présent pour l'esprit. Mais je suis là, au milieu d'une succession de visions qui m'obligent à croire que l'espace et le temps sont d'un autre âge. Oui, dit mon guide, tout en s'éloignant de moi, ce qui eut pour effet d'effacer la vision de la planète où nous nous trouvions. Tout autour de nous devenait blanc opaque, comme le brouillard soudain dans la plaine. Mon guide s'arrêta au beau milieu de celui-ci. M'approchant de lui, je lui demandai: que faisons-nous là, au milieu de ce nuage? Où est passée la planète que nous visitions? Ai-je tout vu et tout entendu à son sujet? Non, Daniel, tout ne peut être visité en forme. Les mondes tous différents en forme nous amènent vers l'incommensurable. Mais j'aimerais, si tu le veux bien, poursuivre sur la relativité du temps et sur des souvenirs qui peuvent devenir de véritables mondes parallèles. Approche-toi et dis-moi ce que tu perçois.